Noah Noah, livre audio gratuit, un roman de Paul Gauguin, révisé par Charles Maurice, lu par Ramina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence creative.commode.org. Théura, j'inscrirai ton nom d'ébène et d'or à l'aile du poème, à l'air de l'essor, car mon désir, séduit par ta belle pensée, a bien souvent tenté la longue traversée vers toi. Voix des secrets, parfums vivants des bois, que les yeux pleins du feu des soleils d'autrefois reflètent leur clarté sur cette heure morose, dans le rêve de vengeresse apothéose, qu'a rêvé ton cœur sans savoir qu'il l'a rêvé, et que debout au seuil du temple retrouvé, attestant la forêt, la mer et la montagne, et Inna, dont le geste amoureux t'accompagne, et Taroa, dieu des dieux, qui t'inspira, tu te dresses devant les tiens, ô Théura, des jours anciens dans leur mémoire illuminée, ô triste et belle, comme fut leur destinée.